le 6-7 sur France Inter. Et à 6h48, Magic Elvis, Elvis Presley, 40 ans après sa disparition, Philippe Robin à Memphis. Et là, surprise, les gendres d'Elvis Presley, et notamment l'un d'entre eux, que l'on semble vouloir oublier là-bas. Continuant mon périple dans les allées surpeuplées du domaine d'Elvis Presley à Memphis, je vois absolument partout des photos du roi lui-même, de Priscilla, son ex-femme, de Lisa Marie, sa fille, mais pas une seule de ceux qui ont été ses gendres. Et il faut rappeler quand même que l'un d'eux est une autre star mondiale, Michael Jackson en personne. Girl is mine. The doggone girl is mine. Le roi de la pop qui épouse la fille du roi du rock, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Eh bien non, pas une trace, pas une photo de Michael Jackson. Comme si à Graceland, on préférait oublier qu'il a fait partie de la famille. C'est vrai que quand la belle Lisa Marie a épousé Michael le 26 mai 1994, c'en a surpris plus d'un, à commencer par celui qui fut l'ami d'Elvis et de Lisa Marie, Joe Esposito. Well, I didn't believe it happened, to tell you the truth. I heard on the radio. En vérité, quand je l'ai entendu à la radio, je n'y ai pas cru. Ça m'a fait bizarre, je ne peux pas vous dire pourquoi. Mon sentiment personnel, c'est qu'elle a fait ça parce qu'ils étaient amis et qu'ils avaient des problèmes et que ça lui rendait service. Mais c'est très bizarre. Les gens m'en parlent souvent et je dis, demandez à Lisa, elle n'a même pas la réponse. Hey, ask Lisa, she doesn't have the answer either. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, been the cause of trouble ever since the world began. Oh, yeah, oh, yeah, ever since the world began. A hard-headed woman, been a thorn in the side of man. Bien plus romantique, Patsy Anderson a eu l'occasion de rencontrer ce couple étonnant à Graceland et elle en garde un souvenir assez tendre. Je pense que Lisa aimait vraiment Michael. Il est venu à Graceland et il était très agréable. Je les ai vus une fois devant la tombe d'Elvis, juste tous les deux. Il serrait Lisa dans ses bras. Ils sont restés au moins 45 minutes, comme ça, sans rien dire. Je ne crois pas qu'elle ait les mêmes sentiments pour lui aujourd'hui. En fait, je suis certaine qu'elle ne les a plus. Le grand spécialiste français de l'histoire de et des Presley, Jean-Marie Pouzinck, pense, lui, qu'il s'agissait d'un échange de bons procédés. Elvis connaissait bien, d'ailleurs, la famille Jackson, et que quand il se produisait à Vegas, il se voyait fréquemment. Et donc la gamine avait des liens de qui se sont créés très tôt. Comme en plus ils se sont fait voler certainement tous les deux un peu leur enfance, leur jeunesse, moi je pense qu'elle a dû lui sauver la mise. Il avait des problèmes à cette époque-là et je pense qu'elle lui a sauvé la mise. L'union de Lisa Marie Presley et de Michael Jackson dura 22 mois seulement. Elle déclara plus tard à la presse qu'elle le trouvait fascinant, mais qu'il n'avait pas réussi à satisfaire ses désirs conjugaux. On ne saura finalement jamais ce qu'Elvis aurait pensé de ce mariage, mais toujours est-il que c'était sans doute grâce à lui que les deux tourtereaux s'étaient connus à Las Vegas. Oh, hold me close, hold me tight, make me thrill with delight, let me know where I stand from the start. I want you, I need you, I love you with all my heart. And every time that you're near, all my cares disappear. Darling, you're all that I'm. Came to me, but now until you came to me. But now I know that I will go. Oh, love. Magic Elvis, Philippe Robin.